lu par Plume d'encre pour audiocité.net, Le choix d'un amant, tiré de Lettres de femme de Marcel Prévost. Madame la chanoinesse d'Estillac à Madame Louise de Charolles. Vous me demandez, ma petite nièce, en quelques mots fort agréablement tournés, que 10 mois de vie commune vous ayant édifié à l'endroit de votre mari, vous ne conservez aucune illusion sur les joies légitimes, et seriez bien aise de prendre un amant. D'ailleurs, comme votre gentil front frisé loge une cervelle de femme sérieuse, vous ne voudriez point prendre cet amant au hasard, parmi vos nombreux courtisans. Et vous souvenant à propos que votre vieille tante qui vous éleva passe pour posséder quelque expérience en la matière, vous lui soumettez le cas et lui demandez son avis tout uniment. Ah, que c'est là, ma mignonne, une aimable attention, et que j'en suis touchée. Depuis que le piéton est venu ce matin m'apporter votre lettre dans ma solitude d'Estillac, je me sens toute rajeunie et ragaillardie. Il me semble que vous êtes encore près de moi, vos 18 ans par an et égayant mes 75 ans, comme une fraîche vigne folle fait sourire un pauvre mur délabré en s'agrippant à ses pierres. Les vieux capitaines ont ainsi des regains d'ardeur guerrière en regardant défiler les conscrits. Et je ne sais rien pour ma part de plus divertissant que de regarder les jeunes gens aimer, maintenant qu'il ne m'est plus loisible d'aimer moi-même. Donc, chère petite, vous allez prendre un amant et ne voulez le prendre qu'à bon escient. C'est très bien vu. Je ne sais pas pourquoi on dépenserait à ce choix moins de précautions qu'au choix d'un mari. On prend un mari pour le monde, tandis qu'on prend un amant pour soi. Le premier est un meuble de décoration. Le second, un meuble d'usage. Il est donc fort à propos de choisir celui-ci, bien plus que celui-là, élégant, commode et solide à la fois. Or, votre cas, me dites-vous, présente ceci de difficile, que de tous les prétendants à votre main gauche, nul n'a un mérite assez éclatant pour primer évidemment les autres. Vous en avez cependant distingué 3, ni plus ni moins, que vous appelez les 3 mousquetaires, et qui ne demandent en effet qu'à commencer le feu. Nul des 3 ne vous déplaît, nul ne vous plaît sans réserve. Chacun a sa qualité particulière qui, tour à tour, vous le ferait préférer. Le banquier Moïse Cramer n'est ni tout jeune, ni de très brillante allure. Mais il est fou de vous. Son égalité d'humeur est inaltérable, et sa magnificence proverbiale. Le baron Jean de Kerguen a pour lui sa candeur d'âme bretonne, la grâce et la vigueur quasi virginale de ses 23 ans. Par malheur, il unit quelques lenteurs d'esprit à un redoutable entêtement. Enfin, le plus brillant des 3 mousquetaires est le peintre Hector Sacreste, joli homme, élégant, spirituel, presque célèbre, mais affreusement fat, grand coureur de jupes, et d'ailleurs fortement éprouvé par 10 ans de fête. Lequel choisir? Premièrement, ma toute belle, je me hâte de vous répondre. Ne laissez pas échapper le baron Jean de Kerguen. L'esprit et la libéralité procurent d'agréables passe-temps. Mais on ne m'ôtera pas de l'idée que la grande affaire d'un amant, c'est justement l'amour. Une de mes amies d'enfance, voilà tantôt 15 ans qu'elle est morte, disait très bien à ce propos. J'aime fort les petits gâteaux et les sucreries, mais je tiens à être sûre de dîner. Or, le dîner de l'amour n'est convenablement préparé et servi que par un amant jeune, toujours disposé aux caprices de son ami et les devançant même. Avec de tels compagnons, on s'ennuie rarement, encore qu'on ne cause guère. Nos aïeux l'avaient bien compris, et ils désignaient du même mot de « déduit » la conversation des honnêtes gens et les ébats des amoureux. Mais j'entends d'ici vos objections. On ne saurait, à moins d'être sourd et muet, se contenter toujours d'une conversation par geste. Et que faire pendant les entr'actes d'un amant qui n'a point d'esprit? Mille fois, j'en suis sûre, aux côtés de Jean, rassasié de baisers, je regretterai les propos si joliment libertins d'Hector Sacreste. Et Louisette, qui vous empêche de demander à Hector Sacreste ce qu'il peut vous donner? C'est-à-dire l'amusement de son esprit. Quand l'honnête Jean de Kerguen vous aura joué son petit air de bravoure, vous le mettrez poliment à la porte en lui fixant un rendez-vous pour le lendemain, ou le surlendemain si vous êtes las de sa musique. Alors, vous ferez un signe à Hector Sacreste, qui, j'en suis sûr, s'empressera d'accourir et déploiera pour vous toutes les séductions de sa fantaisie. Vous souriez? Oh, je devine bien votre pensée. Vous vous dites, Hector viendra, certes, et sera charmant. Mais c'est sous des dehors d'artistes viveurs, un gentleman très pratique. Et je m'étonnerais qu'il dépensât longtemps sa peine pour ne rien obtenir. Il sera pressant. Je résisterai. Il s'en ira, et je me retrouverai en tête à tête avec Jean. Le bel embarras vraiment. Et pourquoi résisteriez-vous, je vous prie? N'est-il pas de simple honnêteté que ce garçon soit récompensé de son temps et de sa peine? Mais, dites-vous, je devrais donc tromper mon pauvre Jean? Assurément, vous le devrez, et ce sera sa faute. Pourquoi n'a-t-il pas d'esprit? Au surplus, puisque l'aimable peintre a largement usé de la vie, il n'est plus sans doute très dangereux. Et je soupçonne que vous n'aurez pas trop souvent le remords d'avoir ajouté un rameau à la coiffure du baron. Vos infidélités se borneront d'ordinaire à quelques jolies fantaisies tendres. À parler proprement, ce ne sont point là de véritables infidélités. Vous voilà donc, ma mignonne, pourvue d'un amant. Et cet amant pourvu lui-même d'un remplaçant. Êtes-vous satisfaite? Non. Bon, je vois bien que vous hésitez sur le choix du remplaçant. Vous vous dites, puisque de toute façon je dois être infidèle à ce pauvre Jean, ne vaudrait-il pas mieux l'être avec Kramer? Kramer est si généreux, si patient, il m'aime tant, il supporte si bien tous mes caprices. Ce serait le compagnon des jours où j'ai mes nerfs. Et vous êtes tout près de sacrifier Hector au banquier. Ah, de grâce, chère nièce, ne commettez pas cette imprudence. Les hommes élégants et spirituels sont rares à cette heure. Et le peintre vous entretiendra, j'en suis sûre, de bien jolies choses, où le baron Jean et le banquier Moïse ne connaissent rien. Il me faudra donc renvoyer Kramer? Ai-je dit cela? Point. Il est agréable de posséder un ami sûr, très dévoué, qui fasse vos commissions, qui vous veille comme un bon chien. Il est agréable aussi, quand on passe devant les vitrines d'un joaillier, de n'être séparé des merveilles que l'on voit que par l'expression d'un désir. Gardez donc Kramer, cher enfant. Montrez-vous complaisante pour lui, de temps en temps, enfin, pas trop souvent, de façon que son plus grand plaisir soit toujours de satisfaire vos fantaisies. Vous répliquez, tout cela est fort bien. J'ai mes trois amants. Je suis parfaitement et de tout point contentée. Mais eux, seront-ils aussi satisfaits? Je chercherai en vain à donner le change à tous les trois. Et dès lors, ne risquais-je pas de les perdre tous ensemble pour avoir voulu n'en sacrifier aucun? Ah, il est vrai, ma chère, que vous auriez mauvaise grâce à vouloir trop dissimuler. Il faut tromper en amour. Mais avec mesure et discernement. Toute votre conduite à cet égard est tracée dans cet axiome de deux lignes que je livre à vos méditations. L'amant à qui une femme doit le plus mentir est celui qu'elle aime le plus. Par exemple, de vos trois amants, il est clair que celui que vous préférerez sera le baron de Kerguen. Celui-là ne devra rien savoir, car l'aimant vous voudrez être à ses yeux la maîtresse irréprochable. Et certes, vous réussirez facilement à l'en convaincre. Quant aux deux autres, ils devront être prévenus que Jean est votre amant. Ils auront ainsi la joie de lui voler sa maîtresse, ce qui flattera leur vanité. Ils ne s'étonneront pas que la discrétion leur soit recommandée et n'auront pas l'idée de se surveiller l'un l'autre. Est-il rien de plus facile, en de telles conditions, que de conduire à trois ? Ma tante, vous écriez-vous, ce que vous me conseillez là est bien immoral. Et quoi, petite ? Vous vous en apercevez à présent ? Bon, certes, il est immoral d'avoir trois amants. Mais est-il donc moral d'en avoir un seul ? Croyez-moi, il n'y a qu'une façon d'être honnête femme, voyez-vous ? C'est de s'en tenir à son bonhomme de mari. Je vous ai dit un moyen de mettre d'accord vos trois amoureux. C'est de les accueillir tous trois. Pour la fin de ma lettre, je vous en réservais un autre qui serait de les congédier tous trois.